On va parler des aigles de Roberval avec notre ami Simon Gaudreau. C'est la chronique des aigles. Salut Simon. Salut Danny. Simon, en fin de semaine, qu'est-ce qui s'est passé avec les aigles? Tout d'abord, samedi, l'équipe Calais jouait contre SSF, à Séminaire Saint-François à Québec. OK. Une victoire de 3 à 2 sur la route. Ensuite de ça, très bon match, peu de punitions. On en parlait la dernière semaine là, que l'équipe est un petit peu indisciplinée, donc deux punitions seulement. Ça fait qu'on était bien content de ça, en plus de résultats positifs. Le lendemain, dimanche, le Benjamin jouait contre Alma, cuisant un revers là, de 6-0. Donc, un match très difficile. Alma ont vraiment été bons pour donner crédit, ils ont vraiment bien travaillé. Nous, on avait un peu les... On avait mis nos semelles, puis on avait laissé nos protège-lames. Ça avait été assez difficile comme match. Okay. Le lendemain, dans une journée pédagogique, lundi, les trois équipes étaient en action. Là, Ouais. le Benjamin et le Juvenile jouaient à Québec, Séminaire Saint-François. Les Benjamins ont perdu 5-1, deux buts dans un filet désert. C'était 3-0 en fin de match. On a marqué en retirant notre gardien, puis on s'est fait marquer également. Donc, ça a terminé 5-1. Et puis les juvéniles, eux, ont combiné des déficits en fin de match pour, dans le fond, pour annuler la partie 2 à 2. Donc, bon match dans l'ensemble, un petit peu en dents de scie, là, par moment, mais dans l'ensemble, ça a été un bon match. OK. Donc, je regarde du côté du Benjamin 1. Il n'y a pas de match. Il semble pas avoir de match en fin de semaine. Oui, vous recevez l'école de l'Odyssée Dominique Racine le 17, donc c'est samedi, c'est ça? Exactement, Odyssée samedi, Racine l'Odyssée chez nous. qui sont deux points en arrière de vous autres. Oui, c'est ça. C'est un classement qui est quand même serré. Là. Oui. Il y a la première position, le Cardinal Leroy, qu'eux se sont sauvés. Là. Ils ont 2-0 seulement, puis un très beau. Il y a une belle équipe hein, aussi. Là. Ils ont beaucoup de late. Là. On sait que le hockey scolaire, là, les late, reste un peu une clé là-dedans. Là. C'est des joueurs d'âge bantam qui jouent encore Oui. un peu avec les Peewee. Donc, ça fait un impact. Eux en ont quand même beaucoup. Donc, c'est une belle équipe de hockey, ils sont durs à jouer contre. OK. Puis pour ce qui est du reste, les quatre autres équipes, là, tout le monde peut se battre. Là, c'est vraiment un manque de constance souvent entre les équipes que quand il arrive des matchs comme nous, là, dimanche passé. Là. Au niveau provincial, je regarde ça rapidement, là. C'est Ouais. Massé-Vanier, 36 points. C'est eux Ouais. autres qui mènent. C'est incroyable, là, au moment où on se parle. Donc, 36 points, puis si tu veux une regarder défaite. C'est où Massé-Vanier, le ça? nombre de buts. C'est dans le coin de Montréal, mais OK. regarde le différentiel 20... de buts pour, buts contre. C'est ça, c'est 79 assez buts impressionnant. pour, 20 buts contre. Donc, c'est assez impressionnant. Oui, merci. Es-tu content quand même du club je regarde ça, vous êtes quand même troisième place sur cinq dans votre division, à 5 points de la première place. Par contre, c'est vous qui a le plus de matchs à jouer. Es-tu quand même content? Oui, très content, sérieusement. Regarde, Ouais. on compétitionne à chaque match. À toutes les fois qu'il arrive des matchs là, où que l'écart, comme je disais tantôt, c'est de notre faute. Là. Nous, c'est sûr et certain que dans notre identité d'équipe, si l'équipe adverse travaille plus fort que nous, on n'aura pas de succès. T'sais. Fait que c'est là-dessus qu'on base nos entraînements. C'est là-dessus qu'on élève nos joueurs. Hein. C'est la première année dans du pour certains, ben, pour tout le monde, pour du hockey organisé de cette façon-là, du hockey provincial. À toutes les fois qu'on va sur la route, on est impressionné de l'arène, on est impressionné de l'autobus. C'est la première fois, puis c'est normal. Ça fait partie de l'apprentissage. Puis tu m'aurais dit, Simon, à fin novembre, là, tu vas être là au classement, ben j'aurais dit parfait, je vais le prendre. T'sais, fait que c'est le classement, je me promène pas tous les jours, puis je le regarde. On fait pas ça, on fonctionne pas comme ça partout. On se concentre sur l'effort qu'on met sur la glace, le travail, puis le développement de nos gens. Fait que, on pense que sur le long terme, ça va être payant. OK. Division C'est ça 2, comme. c'est Cadet Division 2. Vous êtes au 7e rang et en fin de semaine, je regarde rapidement le calendrier. En fin de semaine, vous étiez en action. Vous avez joué un match, deux matchs? On jouait deux matchs, Ouais. samedi et lundi. Ouais. OK. Donc, on va y aller avec. Vous avez gagné 3-2 contre le Séminaire Saint-François que je peux voir. Oui, exact. On a perdu là, contre les Estacades 6-1. C'était un match, c'était 2-1 après deux périodes. Et puis, ça a explosé en troisième période. Trois-Rivières ont vraiment deux bons joueurs là, dans leur équipe là, qui sont capables de faire la différence. Okay. Et puis, ont vraiment ressorti là, dans le match. Là. Donc, c'est une belle équipe de hockey. Ça compétitionne bien. Depuis le début de l'année, là, les deux équipes, je pense qu'il y avait une victoire chacun un contre l'autre. Ou je m'en rappelle plus. Fait que là, Trois-Rivières viennent de gagner. Puis, ils vont venir à notre tournoi là. Dès le début décembre, donc ça va être bien intéressant. OK. Et donc, c'est la même affaire, septième position, au niveau des deux. Puis je regarde, vous êtes pas mal en arrière. C'est Samuel Deschamplain qui est en tête. 32 points là-dessus. Comme tu as dit, j'imagine que ça va être la même réponse que je vais avoir. Tu regardes pas le classement, mais c'est un année d'apprentissage. C'est ça que tu vas me dire aussi? Non, ben oui. Ouais. Si on regarde pas le classement, si on travaille sur des aspects, comme je disais la semaine passée, on prenait 8, 9, 10, 11, 12 pions par match en cadet dans les trois dernières fins de semaine. En fin de semaine dernière, on en a pris 4 total. Donc, on a travaillé des choses là-dessus, ils l'exécutent, puis je pense que sur le long terme, ça va être payant. Maintenant, septième position, la première position a tant de points, mais le classement est très serré, là. Je veux dire, tu vas aller au classement maintenant juvénile, tu vas devoir en sixième ou en septième position, on est à 2-3 points de la deuxième, donc c'est un classement qui est très serré. Sauf y a les premières positions qui se sont distancées un petit peu plus. Okay. Donc, seulement ça. Là. OK. Ouais. Et du côté, donc en fin de semaine, du côté juvénile, juvénile, excuse, je suis mêlé. Là. Ouais. Vous allez jouer deux autres matchs. Un match, c'est-à-dire. On joue un match dimanche à la maison. Nos jeunes, on se prépare, c'est match après match. Puis, c'est l'important, c'est pour les championnats provinciaux, c'est il y a différents aspects là. En tout cas nous en Benjamin, c'est le gagnant du challenge a automatiquement accès aux championnats provinciaux, le champion de classement général s'en va directement aux provinciaux, et puis champion des séries. Puis ensuite de ça là, c'est un petit peu le déroulement, donc on se stresse pas avec ça, c'est vraiment le processus. Puis c'est d'amener nos jeunes avec la meilleure progression possible pour affronter les matchs de fin d'année. OK. Et donc, voilà. Dans l'autre division, maintenant, on joue en fin de semaine contre qui? Le juvénile, bonne question. De même. OK. Je vais aller voir pendant que je vais répondre à une question. Donc, ça fait quand même pas mal le tour, là, quand même pareil. Simon, on va s'en reparler la semaine prochaine au pays? Oui, on s'en reparle la semaine prochaine, même chose. Ouais. Donc voilà, c'était la chronique des Aigles de Roberval avec Simon Gaulot.